voilà des mois que l'amour m'entraîne. Je ne vois rien. De quoi dire de bien. Moi je t'aime, mais toi, tu n'en as rien à faire. Tu n'as l'air de rien d'en avoir à faire. Je pars loin de la raison. Ton corps me hante. Et me harcèle. Je voudrais t'oublier. Ou ne pas avoir aimé. Machinal, s'il te plaît. Ouvre un peu tes sentiments. Ouvre un peu tes sentiments. Ouvre-toi à moi. Est-ce que tu m'aimes au fond? Est-ce que tu m'aimes au fond? Voilà des mois que l'amour m'entraîne. Et qu'au fond, rien de bon. Je vais essayer de t'oublier. Est-ce qu'au fond, tu m'as un peu aimé? Ah, oh, ton corps, s'il n'y avait que ça. Thank you. voilà.